La signalisation indique un double sens de circulation. Réponse A. Une interdiction de dépasser. Réponse B. Un itinéraire bis. Réponse C.